Chapitre 9e. En reconnaissant la voix d'Haussmann, Raymonde fut tellement interdite qu'elle n'eut même pas la force de se récrier. Antoine, qui ne comprenait rien encore à ce qui venait d'arriver, sentit tout à coup le bras de la jeune fille trembler sur le sien. Il eut un moment de silence embarrassant pendant lequel on entendait les ailes lourdes des phalènes frôler la feuillée des tilleuls. « Me prenez-vous pour un revenant ?» s'exclama joyeusement Préfontaine. « Rassurez-vous, c'est bien moi, en chair et en os. »« Ah, c'est vous !» répondit-elle enfin, sans trop savoir ce qu'elle disait. « C'est vous, déjà ?» Sa tête tournait, et sans le bras d'Antoine, Raymonde serait tombée. « Vous ne m'attendiez pas si tôt, et c'est une vraie surprise, n'est-ce pas ?» reprit Haussmann, trop ému lui-même, pour remarquer le peu d'empressement de sa fiancée. Ils firent quelques pas sans parler. Quand ils eurent quitté la voûte des tilleuls, Raymonde vit les deux hommes s'examiner curieusement à la douteuse lueur des étoiles. « C'est sans doute M. Verdier ?» continua le géant en saluant. « Voyons, Mademoiselle Raymonde, présentez-moi ou dois-je me présenter moi-même » Elle s'efforça de surmonter son trouble et se tournant vers Antoine, sans oser le regarder, elle balbutia. « C'est M. Haussmann de Préfontaine dont nous parlions tantôt. « Enchanté, monsieur !» s'écria Haussmann en tendant sa large main à Antoine. « Il y a longtemps que je connais votre père et nous avons tué plus d'un loup ensemble. » Raymonde avait quitté le bras de son cavalier. « Je vais changer de robe, » murmura-t-elle. « Vous expliquerez à mon père pourquoi nous n'avons pu le rejoindre. » Elle les laissa sous le vestibule et monta précipitamment dans sa chambre. « Vous avez peur d'être grondé, hein ?» lui cria Préfontaine. « Calmez-vous, nous plaidons votre cause. Passez, monsieur Verdier. » « Je vous ramène les vagabonds, » poursuivit-il en entrant dans le salon où monsieur et madame la Tremblay se promenaient d'un air agité. « Il ne leur est rien remis de fâcheux, et monsieur Verdier va vous conter la chose en deux mots. » Antoine expliqua du mieux qu'il put les incidents de la soirée. Madame Clotilde ne manifesta pas trop sa mauvaise humeur. Le retour d'Haussmann la prédisposait sans doute à l'indulgence, et elle se contenta d'insinuer que cette équipée n'aurait pas eu lieu si M. la Tremblay avait su montrer un peu plus de caractère. Ce dernier, délivré de ses inquiétudes et trop heureux d'en être quitte à si bon marché, plia le dos avec résignation. Au même moment, on annonça que le dîner était servi et comme on passait dans la salle à manger, Raymonde entra. Elle était très pâle et ses yeux avaient un éclat fiévreux. Elle embrassa son père, on s'attabla et chacun se mit à dépêcher silencieusement son potage. Préfontaine, qui jouissait d'un formidable appétit, mangeait copieusement, buvait d'autant et comptait avec de grands éclats de voix ses exploits de chasseur. Madame Clotilde, la figure rayonnante, les yeux caressants et le sourire aux lèvres, prenait plaisir à le faire jaser. Depuis longtemps, elle ne s'était montrée aussi aimable, et son affabilité s'étendait jusqu'à Antoine, qu'elle affectait de traiter avec une doucereuse prévenance. Ce dernier gardait une attitude contrainte. Les trois plis de son front s'étaient rapprochés et lui donnaient une physionomie des plus sévères. Son regard pénétrant étudiait alternativement Raymonde, qui rêvait, le nez obstinément laissé vers son assiette, et Préfontaine, que la joie du retour et le bourgogne de son hôte mettaient de plus en plus en gaieté. Haussmann contait bruyamment une histoire de chasse. Il s'embarrassait dans ses phrases et riait à l'avance de ses propres plaisanteries. En constatant la lourdeur d'esprit et la joie triviale du dernier des Préfontaines, Antoine se sentit un peu rassuré. Il lui semblait impossible que ce jeune ours balourd et mal léché eût jamais pu faire impression sur l'esprit de Raymonde, et cependant la pâleur et le mutisme de la jeune fille en présence du nouveau venu avaient je ne sais quoi d'étrange qui l'intriguait. « Monsieur Verdier, » dit la Tremblay en se penchant vers son voisin, tandis que je croquais le marmot sur la route forestière, j'ai ramassé quelques plantes sur lesquelles vous allez me renseigner. » Il entama avec Antoine une discussion scientifique qui fit ouvrir des yeux ronds à Haussmann. Comme toutes les natures peu cultivées, ce dernier avait pour la science et les savants un dédain mêlé de terreur. Bien que d'un tempérament peu jaloux, il n'avait pas laissé d'être étonné en trouvant le jeune Verdier installé familièrement à la maison Berthe. Raymonde, à la vérité, lui semblait trop étourdi, trop ennemi des choses ennuyeuses pour cette éprise d'un savant. Néanmoins, ce jeune professeur grave et réservé, qui émaillait de mots latins sa conversation, éveillait la méfiance campagnarde de Préfontaine. « Il faut ouvrir l'œil, » pensait-il. « Tout à l'heure, je ferai causer le pèlerin, et je saurai ce qu'il a au fond de son sac. » Lorsque le dîner fut servi, Raymonde se trouva un moment seul dans la bibliothèque avec Antoine. Elle est demain chez les charbonniers de la vieille réserve, murmura-t-elle rapidement. J'y serai, j'ai vous parlé. Au salon, la conversation devint languissante. Hormis Préfontaine, chacun se sentait fatigué. Au bout de quelques minutes, Antoine se leva et Haussmann, qui était venu de la Margelle à pied, quitta la maison verte en même temps que lui. Quand ils furent dehors, il alluma sa pipe, regarda le ciel et prenant le bras de son compagnon, « Comme les étoiles brillent, dit-il, et quelle belle nuit !»« On n'a pas envie de se coucher. Qu'en pensez-vous, monsieur Verdier ?»« Pour le moment, je pense comme vous, » répondit Antoine, désireux de se débarrasser de Préfontaine. « Mais quand nous serons, vous à la Margelle et moi au Brive, je crois que nous contemplerons le ciel de notre lit plus volontiers que les étoiles. »« Ah ah, bien répondu !» s'écria Haussmann, dont l'écho de la forêt répéta le rire énorme. « Vous êtes un bon garçon, et si vous voulez, nous ferons un marché. » Au lieu de prendre les bois de charbonnière, vous vous en reviendrez par la Treuille, et moi-même, je biaiserai à travers la plaine pour cheminer plus longtemps avec vous. Est-ce convenu ? Top. Antoine ne pouvait poliment refuser cette offre cordiale. D'ailleurs, voyant l'humeur expansive d'Haussmann, il se proposait de le sonder et de connaître sa situation à l'égard de Raymonde. Ils grimpèrent donc de compagnie la rampe qui conduit sur le plateau. Préfontaine fumait à large bouffée, chantonnait et serrait tendrement le bras d'Antoine. Il n'était jamais mélancolique après boire, et un bon dîner arrosé d'un vase généreux le disposait à une bienveillance universelle. « La Tremblay est un galant homme, » dit-il. « Son corton est exquis. Ne me parlez pas du Bordeaux, c'est un vin de Kakochim. Vive le Bourgogne qui vous met du soleil dans les veines. Excellente cave, la Tremblay. Bonne maison, tout y est parfait. » La table et les gens. Il resta un moment silencieux, et l'image lumineuse de Raymond traversa gaiement son cerveau. En même temps, il se rappela qu'il s'était promis de confesser son compagnon, et brusquement, sans transition. « Comment la trouvez-vous » demanda-t-il. « La table ou la cave ?»« Nenni, je parle de mademoiselle Raymond. »« C'est une vraie jeune fille, » répondit Antoine, en redevenant sérieux, franche, naturelle et charmante. « N'est-ce pas ?» continua Haussmann, ravi et oubliant tout à fait son rôle de juge d'instruction. Figurez-vous qu'il y a dans le pays des bégueules qui la trouvent mal élevée, parce qu'elle sort seule à cheval et qu'elle ne mâche point aux gens ce qu'elle a sur le cœur. Pour mon compte, je la préfère à toutes ces dévotes qui vont les yeux baissés et ne desserrent les dents que pour marmotter des pâtes nôtres. Vous avez dit le mot, c'est une vraie jeune fille, et j'espère que ce sera une vraie femme. Ils étaient arrivés à la grande plaine qui s'étend entre Vivet et la Margelle. Et il l'allongeait en côtoyant ses bois, où quelques heures auparavant, Antoine et Raymond s'étaient avoué leur amour. Le jeune homme sentit un frisson lui courir dans les veines, au souvenir de cette heure d'enchantement. Il leva les yeux vers les étoiles, qui scintillaient haut dans le ciel, ces mêmes étoiles qui avaient vu ses lèvres déposer un premier baiser sur le visage de la jeune fille, puis il aspira longuement l'air frais de la nuit et répondit « Oui, le mari qu'elle choisira sera un homme heureux. » « Il est tout choisi !» repartit Haussmann avec un large sourire. « Antoine tressaillit. Que voulez-vous dire » s'écria-t-il, les yeux fixés sur Préfontaine, dont il avait lâché le bras. « Au fait, Bonnepeau est pas savoir, » reprit l'autre avec bonhomie. « On a été discret et on a eu raison. Mais au point où sont les choses, je crois que je puis parler. Cet heureux mari, ce sera moi. » Le jeune professeur sentit un ébranlement nerveux le secouer de la plante des pieds à la nuque. Rêvait-il ou était-il éveillé ? « Vous venez de demander la main de mademoiselle la Tremblay ?» murmura-t-il. « Bon, je n'ai pas attendu à ce soir, cela remonte déjà à 2 mois. Et mademoiselle Raymond le sait, naturellement. Dès que j'ai eu le consentement de la mère, je me suis adressé à Raymond. Mieux vaut se confesser à Dieu qu'à ses saints. Ouh, la chose n'a pas été toute seule. Elle hésitait, elle avançait d'un pas et reculait de deux. Vous savez, les jeunes filles, ça ne se décide pas facilement à dire oui. » Je n'ai pas perdu courage, j'ai tant et si bien prêché que j'ai apprivoisé la petite perdrix sauvage. Nous sommes fiancés depuis la Notre-Dame d'Août. C'est vous qui lui avez donné ce bracelet où il y a une pensée. Vous l'avez remarqué? Alors elle le porte toujours? Tant mieux! S'exclima le triomphant Haussmann. Maintenant vous comprenez que nous allons mener l'affaire rondement. J'en ai causé aujourd'hui avec la mère. Dans 8 jours les bancs et dans 15 jours la noce. Vous en serez, vous êtes un brave et je vous retiens comme garçon d'honneur. On s'amusera, vous verrez. Adieu, dit Antoine hors de lui. Il se jeta dans un sentier qui s'enfonçait sous bois. Où allez-vous ? S'écria Haussmann stupéfait. Nous ne sommes pas encore à la Treuille. Vous vous trompez, mon camarade. Hop !» Mais Antoine, le laissant s'époumoner, fuit à tête baissée à travers le taillis. Il ne savait plus où il était ni où il allait. Il marchait droit devant lui, tantôt en plein forêt, tantôt à travers des clairières humides où son pied s'enfonçait dans un sol spongieux. Par l'instant, il se croyait ivre. Les arbres tournaient, le terrain se dérobait. Le ciel lui-même, avec ses milliers d'étoiles, avait l'air de chanceler. Les oreilles d'Antoine tintaient. Il s'imaginait toujours entendre le gros riz de Préfontaine. Au lieu de ce tournement imaginaire des objets environnants, son cerveau lui faisait l'effet d'être paralysé. Toutes ses idées y gisaient comme engourdies. Une seule s'éveillait de temps à autre sous son crâne et causait une douleur aiguë. « Elle a menti, pensait-il, elle a menti !» Et il poursuivait sa course folle à travers les bois. Il trébucha tout à coup contre une souche et tomba. La fraîcheur de l'herbe mouillée calma un moment sa fièvre. Il s'efforça de reprendre possession de lui-même et chercha à se rendre compte de l'endroit où il se trouvait. Il était assis sur un talus, non loin de la route et d'un carrefour où se dressait une maison dont les fenêtres étaient encore éclairées. Il reconnut la maison forestière du Val Clavin. Le garde venait sans doute de rentrer de sa tournée et soupait dans sa cuisine. À travers les vitres, on distinguait le flamboiement de l'âtre et on entendait les voix des enfants. Antoine, le front dans ses mains, rassemblait peu à peu ses idées et songeait combien peu de temps avait suffi pour faire de son paradis un enfer de désespoir. Plus il réfléchissait, et plus la conduite de Raymonde lui semblait odieuse. Elle l'avait méchamment trompé, elle s'était jouée à la fois de lui et de Préfontaine. Ce qu'il avait pris pour de la naïveté n'était qu'un raffinement de coquetterie. Tout était fini. Il ne lui restait plus qu'à arracher de son cœur ce misérable amour, et il résolut de procéder sur-le-champ à ses douloureuses opérations. Il se leva, traversa la route, et alla frapper à la porte du garde, qui poussa une exclamation de surprise en le reconnaissant. Sans s'inquiéter de la curiosité de la ménagère, ni les regards effrayés des enfants, il demanda de quoi écrire, et sur une feuille de papier jauni, arrachée à un vieux registre, il traça d'une main fiévreuse quelques lignes, plia sa lettre, l'enferma dans une grossière enveloppe fabriquée à la hâte. Puis, après avoir murmuré quelques mots d'excuses et de remerciements à ses hôtes, qui le crurent fou, il sortit et s'enlaça de nouveau à travers bois. La fraîche et vaporeuse nuit d'automne plana encore pendant de longues heures sur les massifs de la forêt, sur les chemins déserts et les clairières marécageuses. Enfin, le ciel blanchit du côté de Maigrefontaine, des flocons de nuées roses se montrèrent sur le ciel d'un gris de perles, les feuillages roux des hêtres chargés de faines frissonnèrent, et dans les cours du vivet, les coqs se mirent à chanter. Une batteuse commença de ronfler sourdement sous le porche d'une grange. Le meunier leva ses bannes, et l'eau se précipita sur la roue qui tourna lentement dans un éparpillement de gouttelettes blanches. Les neuf coups de l'Angélus tintèrent dans le clocher pointu de la petite église. Une bande de canards descendit en se dandinant gravement vers le ruisseau, et tout d'un coup, avec des cris de béatitude, tous se lancèrent dans l'eau qui rejaillit sous le choc de leurs ailes et de leurs pattes palmées. Puis le soleil, se montrant à travers les arbres, acheva de réveiller le village. Devant les fenêtres de la maison verte, un jardinier allait et venait, ratissant le sable des allées. Les sabots des servantes résonnaient sur le pavé de la cour. Les jalousies des fenêtres de Raymonde se replièrent, laissant le clair soleil entrer violemment dans la chambre de la jeune fille. Elle était déjà levée et habillée, ayant à peine dormi de la nuit. Ses yeux étaient cernés, et sa figure pâle et anxieuse. Profitant de ce que le reste de la maison sommeillait encore, elle descendit lestement à l'écurie, fit sceller Janik, et s'élançant sur son dos, elle prit le trot dans la direction de la vieille réserve. Il eut tardé d'arriver à la vente des charbonniers et d'y retrouver Antoine. Sa conscience n'était nullement en repos. Bien qu'elle ne fût pas trop embarrassée de congédier Préfontaine, elle ne laissait pas d'être inquiète en songeant à la façon dont Antoine envisagerait son manque de franchise. Il avait exprimé tant de fois son horreur pour la dissimulation. Elle se reprochait maintenant amèrement de n'avoir pas cédé à ses instances de la veille. Comment n'avait-elle pas eu le courage de tout lui dire, alors qu'il semblait si bien disposé à l'écouter? Du moins, elle n'attendrait pas plus longtemps. Et ce matin même, il recevrait sa confession tout entière. Elle lui expliquerait les raisons pour lesquelles la demi-promesse arrachée par Haussmann ne lui avait jamais paru sérieuse, et il la croirait parce qu'elle parlerait avec tout son cœur. Elle l'aimait trop pour qu'il ne fût pas convaincu. Elle se sentait passionnément entraînée vers lui, et maintenant qu'il savait son amour partagé, l'idée de perdre Antoine lui faisait courir un froid de glace dans les veines. Cependant, elle avait atteint la vieille réserve et déjà dans les vapeurs du matin, elle voyait fumer les fourneaux au milieu de la coupe. À l'entrée de la hutte, la charbonnière avait posé la marmite sur le feu. Le maître et les apprentis allaient et venaient autour des fournaises et au loin, on entendait retentir les cognées des bûcherons. Raymond mit pied à terre, attacha Yannick à un balibot et le cœur palpitant s'avança parmi les cépés en cherchant Antoine des yeux. Quand elle fut arrivée près d'un fourneau éventré dont l'on retirait le charbon, elle demanda au maître charbonnier s'il n'avait pas revu le jeune homme qui l'accompagnait la veille. « S'y fait bien, » répondit le patron en déposant son râteau. « Il est venu ici avant le jour. Il m'a remis pour vous un mot d'écrit. » Il fouilla dans la poche de son gilet et tendit à Raymonde une lettre noircie par la poussière de charbon. Elle la prit d'une main tremblante et alla s'asseoir sur un tas de fagots, tournant le dos au charbonnier pour leur cacher son agitation. Ses yeux voyaient trouble, il fut quelque temps sans pouvoir rien déchiffrer. Enfin, elle lut ses lignes brèves, griffonnées avec rage sur le papier jauni. « Préfontaine m'a tout appris. Ainsi, au moment où je vous ouvrais mon cœur, le vôtre m'en trompait. Vous mentiez, vous. » « Vous que j'aimais tant. Je ne vous reverrai plus. J'oublierai tout comme un mauvais rêve. Adieu. » Elle reçut un violent coup au cœur, ses lèvres devinrent blanches, ses jambes se raidirent, sa tête lourde alla donner contre les fagots. « Hé, patron !» cria un apprenti qui l'avait épié curieusement de derrière un arbre. « Arrivez donc, voilà la demoiselle qui tombe en faiblesse. »